CKRL. Vous êtes de retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, toujours Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, eh bien, je suis en compagnie de mon collègue Samuel Lauzon. Bonjour Samuel. Bonjour Valérie. Et Samuel s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits de la musique sur le développement des enfants. Parce que vous l'avez sans doute entendu, on entend souvent dire que la musique peut augmenter le quotient intellectuel ou encore que les sonates de Mozart pourraient transformer nos enfants en petits génies. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que ces idées résistent à l'épreuve de la science? Alors Samuel, tu as fouillé un petit peu la littérature scientifique pour faire le point avec nous. Oui, tout à fait Valérie. Ben, pour commencer, disons-le simplement, là, la littérature scientifique s'accorde pour dire que la musique est bénéfique pour le développement des enfants. Là, j'ai lu aucune mise en garde là, ou de réserve là, majeure, en tout cas, sur le sujet. Cela dit, certains mythes, comme celui de l'effet Mozart, peut-être que tu as déjà entendu, là, oui, ont vraiment la couenne dure, je dirais, cette croyance populaire qui veut que faire écouter la musique de Mozart aux bébés stimule le développement intellectuel. Ce qui est fascinant avec ce mythe-là, c'est qu'on trouve son origine dans une véritable étude scientifique publiée en 1993 dans la revue Nature, ce qui n'est pas peu dire. C'est quand même, ouais, c'est ça, c'est pas rien, c'est sérieux. C'est sérieux, tout à fait. C'est une étude par Rocher et Shah et Caille. Cependant, comme c'est souvent le cas, les médias se sont emparés de cette étude-là et ont déformé un peu les conclusions, là, un peu le téléphone arabe, comme on dit. Ils ont été un peu vite. Oui, tout à fait. En fait, cette étude-là ne portait pas sur des enfants du tout, portait sur 36 étudiants universitaires américains. Les chercheurs avaient divisé les participants en trois groupes. Un groupe a écouté pendant 10 minutes les sonates pour deux pianos en ré majeur de Mozart. Le deuxième groupe a écouté une musique relaxante. Et le troisième groupe, a rien écouté, était dans le silence. Par la suite, les participants ont passé des tests d'habileté cognitive générale et de mémoire spatiale. Les résultats étaient vraiment impressionnants, là, ce qui a sûrement fait qui a joué dans l'enthousiasme des gens. Les participants qui avaient écouté Mozart ont obtenu une meilleure performance et des scores de QI ont augmenté de 8 à 9 points par rapport aux autres groupes. Malheureusement, cette étude-là, très spectaculaire, avait plusieurs problèmes méthodologiques qui, dans le fond, qui permettait pas une extrapolation. C'est surtout ça. L'étude n'était pas mauvaise, mais c'est qu'elle permettait pas une extrapolation comme les médias l'ont fait. D'abord, l'échantillon était très petit, 36 participants. Ensuite, peu de chercheurs l'ont réussi à reproduire ces résultats-là dans les mêmes conditions. Ce qui arrive parfois quand on fait une première étude, là, c'est pas quelque chose d'étrange, mais c'est pour ça qu'il faut pas s'emballer quand quelque chose sort. Et finalement, comme je le disais, les résultats étaient extrapolés aux enfants, alors que cette étude-là était sur des adultes universitaires. Ouais, leur cerveau était déjà pas mal formé à ces adultes universitaires. Tout à fait. Donc, je comprends que l'effet Mozart a été largement exagéré dans le discours populaire, mais la question demeure quand même, est-ce que les bienfaits de la musique pour le développement des enfants a été éprouvé? Il y a peut-être quand même eu d'autres études. Ouais. Oui, tout à fait. Puis, dans le fond, ça commence à être très jeune, là, les effets. Avant de naître même, tout d'abord, on sait que l'apprentissage commence bien avant la naissance, lorsque les bébés là, baignent encore dans le liquide amniotique. Dans une étude publiée en 2013 dans la revue, je ne sais pas comment on prononce, là, Plus One, c'est ça, intitulée Prenatal Music Exposure Indice Long-Term Neural Effect. a démontré que les bébés peuvent mémoriser des mélodies et entendues in utero, dans l'utérus, et les reconnaître après la naissance et même plusieurs mois plus tard. Ah. C'est quand même impressionnant. En tout cas, oui. C'est quand même surprenant. Dans cette recherche, les mères enceintes ont fait écouter la mélodie le Twinkle, Twinkle, Little Star, là, qui est en français « Ah, je vous dirais-je, ah, vous dirais-je, maman? » à leur fœtus pendant 5 fois par semaine durant le dernier trimestre de la grossesse. Après la naissance, les bébés ont été exposés à une version modifiée de cette mélodie pendant que l'activité électrique de leur cerveau était enregistrée par un électroencéphalogramme. Les résultats ont montré que cette exposition prénatale à une mélodie induit des empreintes neuronales durables pendant plusieurs mois. C'est-à-dire, là, dans le fond, que l'exposition prénatale à la musique peut favoriser le développement de la mémoire auditive et les capacités d'apprentissage chez le bébé. Ça renforce là, un peu l'idée que la stimulation sonore avant la naissance pourrait avoir un impact positif sur le développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et qu'en est-il des enfants prématurés? Parce que on sait qu'ils ont souvent des déficits spécifiques. Alors, est-ce que d'entendre la musique, ça pourrait les aider? Mais oui, puis de manière quand même assez concrète, là, j'ai trouvé intéressant cette étude-là. C'est une étude menée à l'Université de Genève avec des hôpitaux universitaires de Genève qui ont examiné les effets de la musique sur les grands prématurés qui, comme on s'en doute, là, comme tu disais dans le fond, sont plus susceptibles de développer des troubles d'attention, de la régulation des émotionnels. Pour cette étude, dans le fond, ils ont collaboré avec le compositeur suisse Andreas Wollenweider, là, j'espère que je prononce bien le mon suisse, ouais, c'est ça. Pour créer les musiques utilisées pendant l'expérience. Ce musicien est reconnu là, pour ses compositions atmosphériques apaisantes, puis il a conçu dans le fond des morceaux spécifiques adaptés aux besoins des grands prématurés. Ces compositions ont été conçues pour être harmonieuses et répétitives en créant un environnement sonore là, rassurant mais stimulant pour les nouveau-nés. L'objectif était de produire des mélodies que les enfants allaient écouter à différents moments de la journée pour capter, dans le fond, l'attention du bébé, tout en respectant là, leur sensibilité auditive, évidemment. Ces morceaux ont permis de renforcer les connexions cérébrales, en particulier dans le réseau de Saillance. Le réseau de Saillance, c'est quoi ça? C'est une structure cérébrale qui détermine parmi, dans le fond, la multitude de stimuli internes que l'enfant peut, internes et externes que l'enfant peut entendre, par exemple la digestion de la mère ou son cœur, pour se concentrer sur ce qui est, dans le fond, digne d'attention, puis ce qui est signifiant. Mm-hmm. Par exemple, là, la voix de nos parents qui évoque un réconfort, alors qu'une alarme, ben, c'est une urgence. Puis les résultats suggèrent, dans le fond, que l'intégration de la musique dans les soins néonatales pourrait favoriser le développement cérébral plus harmonieux chez les enfants et que cette stimulation musicale pourrait ainsi atténuer les effets négatifs associés à la prématurité. Ouais, ça c'est quand même intéressant, puis c'est même fascinant en fait de voir à quel point la musique peut agir si tôt dans la vie quand même. Mais là, bon, ça on parle des embryons finalement, des bébés, là, des tout jeunes bébés. Qu'est-ce qu'il en est de la musique plus tard chez les jeunes enfants, là, les enfants qui sont nés, chez les jeunes enfants? Est-ce qu'il y a aussi un effet? Ben absolument. Dans le fond, je suis assez positif, mais c'est en épluchant la littérature, c'est vraiment la musique a vraiment des effets durables sur le développement des enfants et son impact là, est particulièrement visible sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Bon, les fonctions exécutives, c'est des fonctions qui regroupent des compétences clés pour réussir à l'école, dans les interactions sociales et dans la vie quotidienne. Par exemple, l'attention soutenue et sélective. C'est une capacité, là, c'est la capacité, dans le fond, à maintenir son attention sur une tâche spécifique pendant une période de temps prolongée, tout en filtrant les distractions. Dans la pratique musicale, par exemple, les enfants doivent se concentrer sur les notes qu'ils jouent, suivre le rythme, écouter les autres musiciens. Pendant tout ce temps-là, dans le fond, ils doivent oublier aussi les bruits, les distractions autour d'eux, puis vraiment se concentrer sur la partition. ça entraîne dans le fond le cerveau à rester focalisé sur des détails importants, ce qui est une compétence dans le fond là, essentielle pour réussir à l'école puis ouais. Dans d'autres activités. Une deuxième fonction exécutive, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la capacité de à retenir et à manipuler là, mentalement des informations pendant une courte période. Chez les musiciens, là, cette compétence est sollicitée en permanence. Par exemple, un enfant doit mémoriser une partition, anticiper la note à venir, coordonner ses doigts avec ce qu'il entend. Cette stimulation constante renforce non seulement la mémoire à court terme, mais aussi la capacité d'organiser les informations complexes. C'est une compétence là, cruciale aussi pour résoudre des problèmes mathématiques, pour ou suivre des consignes en classe, en fond. Ben oui. Puis, une troisième fonction exécutive, qui est la flexibilité cognitive. Bon, la flexibilité cognitive, c'est quoi ça? C'est l'aptitude à s'adapter rapidement à des changements ou à passer d'une tâche à l'autre. Quand un musicien joue, par exemple, en groupe, il doit constamment s'ajuster, corriger s'il a fait une erreur en temps réel, suivre les variations de tempo ou s'harmoniser avec les autres musiciens. Cette capacité-là à s'adapter, dans le fond, à jongler avec différentes idées, est essentielle aussi dans de nombreux contextes, là, comme résoudre des conflits, changer de stratégie, par exemple, quand on se trouve face à un problème plus complexe. Et finalement, la quatrième, c'est l'inhibition des impulsions. L'inhibition des impulsions, c'est la capacité, dans le fond, à résister à une distraction ou à une action impulsive. T'sais, le mot le dit. Pour un jeune musicien, ça peut dire, dans le fond, de respecter le temps, le tempo précis, attendre son tour dans un ensemble, éviter de jouer trop vite malgré l'excitation. Cette maîtrise de soi est essentielle non seulement pour jouer de la musique, mais aussi pour se concentrer en classe, par exemple, dans des situations qui seraient émotionnellement chargées, par exemple. Les impacts là, dans le fond sur les fonctions exécutives ont été largement étudiés. Une recherche marquante menée par Habibi et collaborateurs en 2018 est publiée dans la revue Developmental Cognitive Neuroscience a suivi des enfants participant à un programme immersif de musique pendant plusieurs années. Les résultats dans le fond ont montré l'amélioration significative dans le fond dans ces quatre domaines de fonctions exécutives. C'est vraiment intéressant. Là, on se dit que beaucoup d'enfants devraient avoir des cours de musique, finalement. Et est-ce que ça a, par exemple, bon, tu dis que ça facilite l'attention en classe, il y a plein d'avantages, finalement. Est-ce que, par exemple, on voit des avantages sur les conséquences langagières chez les enfants? Ouais. Est-ce que la musique peut aussi stimuler le développement du langage? Ben oui, c'est une excellente question, dans le fond, mais la musique et le langage est étroitement liés ensemble. Les deux partagent là, des éléments communs comme le rythme, la mélodie, des structures répétitives. Quand on parle, on le voit, on va souvent répéter des mots. Puis ça active des zones similaires, dans le fond, dans le cerveau. La musique, là, en particulier, quand elle est introduite tôt dans la vie, peut avoir des effets là, profonds sur le développement du langage de l'enfant. Par exemple, la perception des sons. La musique aide les enfants à devenir plus sensibles aux différences subtiles des sons, comme les variations de hauteur, de durée. Puis ça, dans le fond, ça va aider la capacité à entendre et à distinguer les phonèmes, qui sont en quelque sorte là, les briques de base des mots. Ce qui prépare, dans le fond, ce qui est une préparation à bien parler puis à bien lire. Les rythmes et la mélodie du langage. Quand on parle, ben notre voix monte, elle descend, elle s'accélère, elle ralentit. C'est ce qu'on appelle des prosodies, ou qu'on pourrait dire là, plus simplement la musique du langage. En apprenant là, à reconnaître le rythme, les mélodies dans la musique, les enfants deviennent plus aptes à comprendre la nuance et les intonations de la parole. C'est comme s'ils comprennent la mélodie. Souvent, on voit aussi les bébés là, qui vont babiller, là, qui vont... Ils font juste des sons, mais c'est pas vraiment des mots, mais juste des sons. Mais c'est comme s'ils pratiquent la mélodie avant de comprendre les mots. Et finalement, en troisième, la mémoire verbale. Donc, la musique stimule la mémoire, notamment la capacité de retenir des informations sur le court terme. Les enfants apprennent des chansons, des mélodies, développent cette capacité, ce qui les aide à mémoriser, dans le fond, à organiser, les mots, les phrases, et plus tard à construire des phrases complètes. en 2015, une étude de Gordon et collaborateurs publiée dans Frontier in Psychology a démontré que les enfants qui suivent des cours de musique développent une meilleure conscience des sons et des mots. C'est une compétence essentielle, dans le fond, pour apprendre à lire, comme je disais un peu plus tôt. Par ailleurs, Patricia Cole, spécialiste en développement du langage, a montré que les interactions musicales, comme chanter avec un enfant, renforcent la capacité de distinguer les sons de leur langue maternelle, mais aussi de d'autres langues, ouais. Des langues étrangères. Ouais, je me demandais si ça aidait aussi à repérer les sonorités des autres langues et pouvoir les répéter aussi. Je me demandais si ça avait un effet. Quelque chose que moi je trouve intéressant, c'est que bon, c'est encore en discussion, mais certains scientifiques pensent que la musique pourrait avoir précédé, dans le fond, le langage dans l'évolution. Par exemple, Stephen Mitten, je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom, dans son livre « The Singing Neanderthal », suggère que les premiers humains utilisaient des sons mélodiques et rythmiques pour communiquer leurs émotions, coordonner des activités, apaiser les enfants, bien avant le développement de du langage structuré. Ça expliquerait aussi pourquoi la musique a un tel effet profond sur le langage, parce que dans le fond, elle repose sur des mécanismes cérébraux très anciens. C'est vraiment intéressant. Et qu'en est-il des effets de la musique sur le développement émotionnel des enfants? Parce qu'après tout, bah, faut être honnête, hein, quand on écoute de la musique, c'est aussi parce qu'elle nous fait vivre des émotions. Oui, c'est pas seulement pour avoir des meilleures capacités d'apprentissage plus tard. Oui. C'est pas juste pour être bon en maths. Non, qu'on écoute. C'est ça. T'as tout à fait raison, là, Valérie. La musique, c'est une source d'émotions là, universelles. Là. C'est justement pour ça qu'elle joue un rôle tellement important dans le développement socio-émotionnel des enfants. Elle touche pas seulement l'esprit, mais aussi le cœur, dans le fond, des enfants. D'abord, la musique aide les enfants à reconnaître et à exprimer leurs émotions. Par exemple, chanson joyeuse leur fait comprendre, ben, en quelque sorte, ça peut leur donner c'est quoi la joie, ça ressemble à quoi. Une mélodie douce, lente, peut évoquer la tristesse ou le calme. Parfois, un enfant peut exprimer ce qu'il ressent par une chanson, un rythme, même s'ils n'ont pas encore les sons. Puis c'est un peu normal. Quand un enfant pleure ou va faire quelque chose, va cogner ou va faire quelque chose, c'est pour exprimer souvent une frustration ou une émotion avant même d'avoir des mots dans le fond. Ensuite, la musique leur apprend, dans le fond, à réguler leurs émotions. Une berceuse peut calmer un bébé agité, tandis qu'une chanson rythmée va le motiver à bouger, à s'amuser. Les chercheurs Sari Kallio et Ericla, ont d'ailleurs montré que la musique aide les jeunes à diminuer leur stress et à améliorer leur humeur ou à surmonter des émotions difficiles dans une étude là, qui est sortie dernièrement, là, en 2024. C'est pas tout, dans le fond, la musique là, développe aussi l'empathie dans une étude encore là, très récente en 2024 de Krishner et Tomasello a prouvé dans le fond que les enfants qui participent à des activités musicales collaboratives comme chanter ou jouer en groupe sont plus enclins à coopérer que les autres. Pourquoi? Ben parce que jouer de la musique ensemble demande de l'écoute des autres et de comprendre leur rythme puis travailler en équipe dans le fond. Ouais. Enfin, là, finalement, la musique renforce les liens sociaux, on s'en doute. Hein? Chanter avec d'autres, même pas juste pour les enfants, là, pour tout le monde, chanter ensemble, dans une chorale ou simplement écouter des chansons en groupe, créer le sentiment d'appartenance. Ces moments partagés, dans le fond, aident les enfants à se sentir connectés et à se développer leurs compétences sociales essentielles, dans le fond. Samuel, est-ce que on sait pourquoi la musique a un effet sur les émotions? Est-ce qu'on connaît les mécanismes sous-jacents? Ben, c'est sûr qu'il y a plein de choses, mais je dirais que c'est aussi beaucoup parce que la musique agit directement sur le cerveau. Elle stimule le système limbique qui gère les émotions comme la joie et la tristesse. Elle libère aussi de la dopamine, le fameux là, neurotransmetteur du plaisir. Et si on chante en groupe, si on chante en groupe, la musique peut même là, déclencher une production d'oxytocine qu'on appelle là, souvent l'hormone du lien social ou l'hormone de l'attachement. Ouais, l'hormone de l'amour. de l'amour, ouais, tout à fait. C'est pas tout, non. Il y a les chercheurs Zentner et Erola ont montré que les bébés réagissent émotionnellement à la musique dès quelques mois. Ils préfèrent les mélodies harmonieuses aux sons aléatoires là, qui n'auraient pas de sens. Ça prouve vraiment que, dans le fond, là, que la musique est profondément ancrée dans le cerveau, même avant qu'on apprenne à parler. Ah ouais, c'est vraiment fascinant, ces histoires de la musique, parce que, bon, on voit, là, tu dis, les enfants préfèrent des musiques, des mélodies harmonieuses plutôt que des sons aléatoires. Puis on dirait que quand on, en prenant de l'âge, quand on passe par l'adolescence, on aime bien la musique, c'est plus tumultueuse. Hein? Oui, oui, puis après, on s'assagit un petit peu. On dirait que nos goûts pour la musique changent avec l'âge. Oui, ça serait intéressant de voir s'il y a un lien avec les moments de la vie. Ben, il y en a très jeune, mais ce serait le fun de continuer. Avec l'adolescence, on est tout, on est plein d'énergie, là, puis on est tout chamboulé, nos hormones nous chamboulent, etc. Puis c'est à cette période-là, généralement, qu'on aime les musiques. Qui bouge plus, qui bouge plus, hein. Bon, y a des gens qui sortent plus ou moins de l'adolescence, qui s'assagissent et qui veulent des musiques calmes et d'autres non. Tout à fait. Mais ce serait intéressant de voir ça aussi. Ouais. Il y a aussi un lien qui est intéressant. Tout à l'heure, je parlais du langage. Puis, on voit souvent que ce qu'on appelle l'oreille absolue, donc on entend une note, puis on n'a même pas besoin d'avoir un référent, là, d'entendre un do, par exemple. On entend un la, puis on n'a même pas besoin d'avoir un do, puis on sait tout de suite que c'est un la. Ouais. Un peu comme quand je montre une couleur orange, ben les gens vont dire « c'est orange, t'as pas besoin d'avoir un bleu à côté pour dire ça, c'est orange, on le sait. » Ouais. Parce qu'on sait, c'est souvent les cultures asiatiques ou les langues qui sont tonales, c'est ça que je pense qu'on dit, en tout cas que l'intonation joue sur le sens du mot, là, comme par exemple le mot « ma » va pouvoir dire « ma » tout à fait, « ma »,« ma », »,« ma », ben va vouloir dire trois choses différentes. Tandis qu'en français, ben, ma, ça reste ma. Ouais, ouais. Donc, ces langues, souvent, ces gens-là vont avoir, il y a un plus haut taux de gens qui ont l'oreille absolue parce que justement, ben, très jeunes, ils apprennent à distinguer. Ils ont une distinction, dans le fond, pour parler qui est plus grande que les Occidentaux, ben en tout cas ceux qui parlent français, que les Français là, mais les Anglais, eux, ils ont une langue quand même tonale là, l'intonation dans le mot a une importance, pas mal plus qu'en français, mais c'est quand même assez fascinant toutes ces recherches de la musique. J'espère qu'il n'est pas trop tard à mon âge pour apprendre la musique, pour bénéficier de tous ces avantages que procure. Ce sera intéressant. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Alors je te remercie beaucoup Samuel pour ce tour d'horizon sur les bienfaits de la musique, sur le développement. On a le temps pour faire une petite pause musicale. Alors justement, on va écouter Andréanne Martin, « Fais-moi de la musique ».